cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, al-shubhatayn, al-akhiratayn, les deux dernières shubah. فعندما لا 14e تفضل اخي شبهه الرابعة عشر هي ان المشركين يقولون يستعملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس سيستغيثون بادم فيستدلون بهذا ان الاستغاثه ليست شركا الاستغاثه بمن الاستغاثه بغير الله بغير الله ليست شركا هكذا يقولون أي الطلب cette demande au مخلوق une créature pour repousser un mal ils ont cité ce hadith pour montrer que c'est pas du shirk وهذا c'est pas صحيح لماذا تفضل répond لأن الشرك c'est le fait de demander à un makhlouq qui n'est pas capable ou qui n'est pas présent un mort مثلا هذا c'est من الشرك بالله عز وجل أما une personne qui est présente vivante et capable هذا c'est pas du shirk لماذا لأنه dans ce cas c'est un sabab c'est une cause et l'entraide entre muslims fa ma'rouf مع أن on doit pas exagérer في هذا الباب أن demander كثيرا خاصة quand il n'y a pas de nécessité il n'y a pas de ضرورة ففي هذا الحال on évite كما تقدم معنا من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلى كل حال c'est pas du shirk donc argumenter avec ce hadith pour montrer أن le fait d'invoquer des morts c'est pas du shirk فهذا C'est un istidlal qui n'est pas à sa place. La quinzième, Indaman, Tfaddal. نعم استدلوا بقصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم لك حاجة قال أما إليك فلا فإذا بخي كذلك في الحقيقة ça ressemble à la shubha précédente أنهم ils ont dit si le fait de demander à une créature c'est du shirk pourquoi Jibril il a proposé son aide à Ibrahim et on a répondu من أو بأمرين أنا ردنا avec deux points عن هذه الشبهة تفضل الأول القصة ضعيفة على بعض أصل كما بين الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أئمة الحديث ثانيا عندك جبريل عند قدرة باستعانة أن جبريل عليه الصلاة والسلام لو صحت القصة فإلى تبخزن إلى تكابل دد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. donc argumenter avec ce hadith pour essayer de prouver أن demander aux morts c'est pas du shirk. كما تقدم معنا في الحقيقة الأدلة qu'ils ont cité Ceux qui sont sahih, bien sûr, amad da'if, c'est da'if, lakin al-adilla al-sahiha qu'ils ont cité, fil haqiqa, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Bihada, on a fini l'étude de ce shubha, walillahi alhamd. Et vous avez remarqué avec cette brève étude, anna la principale shubha, c'est annahum, ils demandent à ces morts min bab al-shafa'a. Si tu as compris la principale shubha al-shafa'a, tout le reste, c'est très très simple. Et quand on révisera Et Inch'Allah, هذا الكتاب, on résumera ces 15 choubah. فنقرأ الخاتمة وبالله التوفيق. قال رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم, ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. C'est pour ça que العلماء أحيانا dans leurs livres أو dans leurs دروس أو dans leurs نصائح, dans leurs conseils, ils répètent des choses. Et en général, la répétition, le fait de répéter un sujet, imma, c'est que le sujet il est très très important. Et al-dhikra tanfa al-mu'minin, les croyants, ils ont besoin du rappel. Combien de sujets on a étudié ensemble, ou vous avez étudié un tome avec d'autres, et avec le temps, ça s'oublie, c'est normal. Lihada, celui qui va avancer fil ilm, que ce soit fi bab al-tawhid ou fi ghayr, que ce soit fi bab al-hifd ou fi ghayr, la mémorisation ou les durus, fala bud min muraja. Amma, étudier une fois et laisser, hada, c'est pas du ilm. Tu apprendras des choses que tu oublieras très très vite. Amma, l'ilm, ça reste avec le mudhakara et avec le hifd. فلهذا العلماء يغبت أما هذا الكلام تقدم بعضه معنا لكن شيخ الإسلام هنا اللي غبت لأن سي المسألة عظيمة كذلك لأن بعض الناس إذو ما لكم خي donc ça c'est la deuxième cause أن أحيانا il faut répéter لماذا لأن سي un sujet sensible إلي ما لكم خي فلهذا العلماء يغبت souvent سي دروس في التوحيد. لماذا؟ لأن سن مسألة عظيمة بل سي لا raison pour laquelle Allah سبحانه وتعالى il a créé le djinn والإنس il a créé الثقلين عز وجل كذلك لأن الغلط في هذه المسائل لكثير خاصة à notre époque à cause de l'ignorance à cause de أئمة الضلال الصوفية والروافض وغيرهم كذلك à cause des شبه des ennemis de l'islam. فلا بد de répéter هذه المسائل حتى تفهم. Et كذلك ne pas oublier le fait de répéter ces مسائل que ce soit en lisant ou en étudiant ou en mémorisant, c'est du أجر. لماذا؟ لأن هذه المسائل c'est la base de notre دين. فكلما الإنسان donne du temps كلما il est مأجور il est récompensé بإذن الله عز وجل. فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. أي هنا يبخسيز على fin de ce livre أن التوحيد il faut bien comprendre que c'est avec le cœur, la langue et les œuvres. L'abou de ces trois. Al-Iman, Qawlun, wa Amalun, wa A'tiqad. Al-Iman, c'est le Tawhid. Le Tawhid, c'est l'Iman. L'abou de ces trois piliers. Qala, fa'in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajul musliman. Et il va détailler. Qala, wa hadha yaghlat fihi kathirun min an-nas yaquloun hadha haq. Wa nahnu nafham hadha wa nashhad annahu al-haq walakin la naqdir an naf'alah. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي البعض عياذا بالله après cette étude ils reconnaîtront أنه سحق إلى آخره لكن ils ne délaissent pas ce sur quoi ils sont. لماذا؟ pour pas contredire, si on cite un exemple, pour pas contredire leur قوم عياذا بالله. Et ça c'est très très grave, ça suffit pas de reconnaître dans notre دين لابد مثلا si on prend l'exemple du توحيد لابد de reconnaître أنه سحق et de croire إيمان. ثانيا لابد de prononcer Mais واحد qui croit, qui prononce pas, ça lui est d'aucune utilité. كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا القرآن وهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل الكفر كاليهود وغيرهم يسافت خبيك إلى على حق إلى بلي حق إكسيت النبي. Est-ce que هذا الاعتراف, cette reconnaissance, ça suffit? أبدا. لابد que l'iman qui fait le qalb, il se prononce avec la langue. Et ce iman, il doit être appliqué absolument avec l'amal. لابد هذا. قال فإن عمل فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه لا يعتقده بقلبه فهو منافق. أما s'il applique, ça c'est un autre cas, s'il applique هذا التوحيد, مثلا il fait الصلاه, il prononce الشهاده, il fait الحج, il fait الصيام, لكن au fond lui il croit pas, c'est que pour suivre les gens ou pour ne pas contredire les gens, مثلا il a peur pour son nefs ou عياذا بالله pour profiter de quelque chose que les musulmans ils ont, هذا c'est le nifaq, il fait apparaître l'islam et au fond lui il croit pas. Ça c'est un autre exemple pour montrer l'aboud, la croyance avec le cœur, une parole, des paroles bien sûr avec la langue, al-shahada, et kadhalik al-amal. Adorer Allah seul et s'écarter du shirk. C'est ça al-din, c'est ça l'iman. قال وهو شر من الكفار أو من الكافر الخالص أي المنافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة. تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاه أو مداراة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. نعود بالله صحيح يا نقص في هذا الباب كبير. Ça c'est à l'époque du de l'auteur rahmatullah alayh. Et à notre époque أكثر. Et Cheikh Al-Fawzan va expliquer هذا الكلام. فنقرأ الشرح. قال حفظه الله ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها, لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. Toujours la même chose, من الأباس العلم. لماذا بعض الناس يسلسون يقاري في هذا الباب أكد دل ينيغانس وبعضهم عيادا بالله سيديز ينيغان إلا فلبا أبخوند إذا سنكور بلو غرام بعضهم سيديز ينيغان يغجت الحق إذا سنكور بلو غرام. أما من وفقه الله سبحانه وتعالى سيسلوي كي فو أبخوند وكي فيه ديز إفور بور أبخوند وكي أكسبت الحق. هذا ولله الحمد إلا توت لي كونديسيون بور ريوسير ميم سيلا دي فبلس. Son amour du haq et son envie d'apprendre, quelqu'un le conseillera et il acceptera et il se corrigera. Amma al musiba, c'est le jahl avec l'inad. Ça, c'est le musiba. L'ignorance et kadalik, ne pas accepter le haq, rejeter la vérité. Voilà, c'est très très grave. قال وهذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد, لابد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله, وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. Ne pas comprendre هذا الكلام أن celui qui ne fait pas tous les wajibs أنه c'est pas un مؤمن موحد. لا, هنا il parle des arcanes, des piliers. وإلا لا شك أن المؤمن il a des faiblesses, أحيانا il délaisse certaines choses obligatoires, أحيانا il fait du haram. Ça ne le fait pas sortir de l'islam. Tant qu'il n'a pas annulé هذا التوحيد avec un annulatif, ça reste un mu'min. لكن هنا on parle أن الشيخ plutôt هنا il démontre أن هذه الأركان لا بد منها. أما واحد يؤمن dans son cœur, لكن il ne prononce pas الشهادة, il ne fait aucun عمل, فمن أين له الإسلام؟ أو واحد il prononce et il fait des œuvres, لكن au fond lui il ne croit pas, من أين له الإيمان؟ هذا لا شك سي با مؤمن اي بس سيتي سيكا. قال وهم في هذه وهم في هذا اصناف, اي لي جون سون دو بليزيور كاتيجوري بار رابور ا لا كرويونس افيك لو كور بارول افيك لا لانغ اي اكت افيك لي ممبر. Tu as plusieurs catégories de personnes. الصنف الاول, la première catégorie, من يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا يقر به بلسانه لطمع دنيوي فهذا كافر مثل فرعون فإن فرعون كان معترفا بالتوحيد في قلبه وأن ما جاء به موسى هو الحق première catégorie أنهم au fond d'eux ils savent très bien que c'est la vérité ils savent très bien que la ilaha illallah que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah ils savent très bien que l'adoration des idoles c'est bâtil et ça sert à rien لكن عيادا بالله ils ne veulent pas l'admettre لماذا الكبر l'orgueil كذلك ils ne veulent pas contredire leur qawm comme Fir'aoun comme Iblis Iblis il savait très bien que c'était le haq et il savait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam bi haq et il savait très bien qu'il fallait adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le kibr l'orgueil ayyadan billah Fir'aoun كذلك il savait très bien que Moussa il était à la haq il savait très bien que autre que din Moussa c'était bâtil lakin al kibr Il n'a pas voulu accepter que les gens y suivent Dine Moussa. Et il avait peur de perdre son moulk. Fa'iyadan billah, à cause de Dunya et son orgueil, il s'est perdu. Iyadan billah. Qala, wa anna ma ja'a bihi Moussa huwa al-haq, walakinahu taraka al-amal bihi, wa tazahara bi khilafihi, wa jahadahu takabburan wa inadan, kama qala ta'ala, wa jahadu biha, wa staiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa, فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الشاهد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أي جحدوا بالحق ils ont rejeté alors que au fond d'eux في أنفسهم ils avaient اليقين تأمل قول الله عز وجل واستيقنتها c'est plus fort que مجرد معرفة c'est pas une simple reconnaissance لا فرعون ومن معه ils étaient على يقين واستيقنتها إذا على يقين لا certitude أن موسى إلى الحق لكن الكبر ça ça nous montre أن connaître le حق ça suffit pas il faut connaître le حق et pouvoir le suivre et pour pouvoir le suivre لابد من توفيق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى qui guide كم من الناس connaissent le حق l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام أبو طالب il savait le حق il connaissait le حق C'était son neveu, le fils de son frère, et il l'a élevé lui-même. Il savait très bien qu'il était à la haq, à la sidq, et c'était pas un menteur, il avait un bon comportement, et notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lakin ma wufiqa. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah, il a pas voulu le guider. Limadha li anna Allah alima. Il a su que cet homme Abu Talib, il méritait pas la guider. La preuve, c'est quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait ta'wa avant de mourir, wanduru. انظروا عيادا بالله الخذلان la fin de sa vie une kalima aurait pu le sauver pour l'éternité لكن vu que عيادا بالله son cœur il était malade et il a pas voulu délaisser le dîne de son qawm Allah ma wafaqa pourtant il savait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était à la haq et il savait que Abu Jahl qui lui disait atatruk millat Abd al-Muttalib il savait très bien que c'était batil لكن عيادا بالله surtout à ce moment avant de mourir en général l'insan s'il n'était pas à la haq durant la période de sa vie et il faisait des causes فربما يخذل le dernier moment une simple kalima et il dit la ilaha illallah ça va te sauver il peut pas عيادا بالله comme من الناس qui ne faisaient pas d'efforts dans leur din عيادن بلا كي اكسبت با الحق avant de mourir et ça arrivait beaucoup هذا avant de mourir tu leur dis dites la ilaha illallah une kalima très simple ils peuvent pas لماذا لان الله عز وجل يعلم ما في القلوب كم من الناس avant de mourir ils délaissent salat عيادن بلا ils peuvent plus pas ils peuvent plus physiquement là Allah subhanahu wa ta'ala il les wafaq pas ils arrivent pas à la faire avant de mourir عيادن بلا C'est pour ça que l'insan d'aïman il demande à Tawfiq et tu as un exemple avec Haoula. Qala wa qala Moussa alayhi salam li Fir'aoun Qala laqad alimta ma anzala Haoula'i illa rabbus samawati wal ardi basair Dans la première ayah staiqanata anfusuhum ils étaient à la yaqin et dans ce verset ils étaient à la ilm. Qala Moussa qala laqad alimta Tu sais très bien. Tu es à l'ilm. Ilm de quoi? قال ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أي celui qui a révélé ce dîn que Moussa il prêchait à l'époque de Pharaon. Moussa il a dit, il a témoigné أن Pharaon il savait. لقد علمت. لقد علمت. Tu sais très bien que c'est le haq. Pourquoi il n'a pas suivi? لأن la guidée c'est بيد الله عز وجل. Donc ça nous montre que l'ilm ça ne suivait pas. Pharaon, un, les deux versets, il avait le yaqin, il était sûr. Et il avait l'ilm. Lakin, il manquait les autres choses. Ça ne suffit pas, hada. L'anna, il avait du kibr, iyadan billah. Et il n'a pas aimé, il a détesté que ce haq, c'est Moussa qui le montre. Ba'adhan nas, ils sont hakada. Mathalana les Yahoud. Il savait très bien que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un nabi, il était à la haq, il appelait au haq. Il le savait très bien à l'époque du prophète alayhi wa sallam. Limada? L'anna les Yahoud, ils avaient du ilm. Et il leur restait des traces du dîn de Moussa et de At-Tawra, du livre. Et il savait très bien que les caractéristiques qu'il connaissait du nouveau prophète qui devait venir, c'était celle du prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Il le savait très bien. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Lakin, c'est quoi qui les a poussés à rejeter? أَنَّهُمْ, ils pensaient que ce dernier Nabi, qui allait être envoyé par Allah Azza wa Jal, ça allait être un Nabi min Bani Israël. Comme Moussa, comme Isa. Beaucoup de Anbiya, ils étaient min Bani Israël. Et hum, ils espéraient que le dernier et le meilleur de tous ces messagers, il allait être d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, btalahum, il les a éprouvés. Anna hadha al-Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé min al-Arab. Hum, ils n'ont pas accepté. Ça nous montre la gravité de vouloir que le haqq vienne que d'un tel. Et certains gens à notre époque, ils sont hakada. Ils savent très bien que telle mas'ala c'est haq, mais vu que ce n'est pas un tel qui l'a dit, ils n'acceptent pas. Ça, c'est très très grave. Le haq, c'est le haq. Tant que c'est un haq, on l'accepte. Même si c'est un mubtil qui le dit. Et on répète, ça ne veut pas dire qu'on va chercher le haq عند المبطلين, abadan. Mais si واحد nous informe, أن les juifs disent telle chose et c'est la vérité, on dira c'est le haq. Là, c'est très très important. Attention au kibr. Et attention de ne pas vouloir restreindre la vérité sur un tel. Il n'y a qu'un tel qui peut dire la vérité. Si un autre y parle, il a forcément tort. Ça, c'est très très grave. Les gens se sont égarés à cause de cela. Et on a cité les exemples. On vient de les lire ensemble. قال لقد علمت أي عرفت بقلبك ما أنزل هذه الآيات التي جئتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس. فهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق أو كانه صدق أنا جي صدق مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى. نعم كأنه صدق. قال كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام وإنما جحد ذلك وتظاهر بجحده كحال كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتأمل هذه الآية. فإنهم لا يكذبونك. Hey, ils savaient très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la vérité, il appelait la vérité. Haoula, c'est qui? C'est kuffar Quraysh. Lakin, iyadan billah, al-kibr. L'orgueil et at-taqlid, ils n'ont pas voulu délaisser din de leurs parents, de leurs ancêtres, ils se sont égarés. Qala dallat al-aya ala anna kuffar Quraysh yusaddiquna bil-rasul sallallahu alayhi wa sallam biqulubihim walakin yajhaduna dhalik bidawahirihim wa al-sinatihim. Et ça nous fait un lien tayyib avec la parole de l'auteur, rahimahullah. Anna labud min iman bil qalb, kadhalik, prononcé avec la langue, et kadhalik, appliqué avec ses membres. Amma ha'oula, ils ont reconnu avec leur cœur, lakin, vu qu'ils n'ont pas voulu prononcer shahada, c'est resté des kuffars. Qala wa kama qala Allahu azza wa jal fil yahoud alladhina ataynahumul kitab. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا بقلوبهم ويتظاهرون بالكتمان والجحود مع تيقنهم في قلوبهم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكبر والحسد من أتباعه أو من اتباعه. Al-Hasad. Pourquoi? Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de la tribu de Quraysh, min al-Arab. Il ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Fa-Hasadou. Ils ont pensé, hommes, que Banu Israël, ils étaient meilleurs que l'Arab. Enfin, ils n'ont pas admis. Ils n'ont pas pu, ayyadun billah, suivre cet Arabe, le prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Kama anna Iblis, il n'a pas voulu se prosterner devant Adam, limada li annahu, il a pensé qu'il était meilleur que Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a pensé que le feu c'était meilleur que l'argile, que la terre. Il n'a pas voulu se prosterner. Al-Yahoud, ils ont pensé que Banu Israël, ils étaient meilleurs que l'Arabe. Ils n'ont pas voulu suivre notre prophète, alayhi salatu wasalam. Alors qu'ils savaient que c'était le haq. Iblis, il savait très bien. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner. Il savait très bien que c'était haq, lakin l'orgueil, il a pris le dessus. Al-Hadar, on fait attention. On fait attention, on doit apprendre le haq. Et kadhalik, on doit purifier hadha al-qalb. Faire des efforts, hatta ce qalb, il se soumet au haq. La ghayr, pas autre. Et que ce haq vienne d'un ami, d'un ennemi, de quelqu'un que tu connais, de quelqu'un que tu ne connais pas, de ton shir, d'un autre, si c'est le haq, accepte-le. Accepte-le lillah, limada, lianna le haq c'est min Allah azza wa jal. Des versets du Coran, le karima ou des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. قال واعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم فهم كفار مخلدون في النار وكثير من عباد القبور اليوم على هذا يقولون نعرف أن الذي تقولون هو التوحيد ولكن ما نقدر أن نخالف أهل بلدنا لأن أهل بلدنا عندهم أضرحة واستغاثة بالأموات لا نقدر أن نخالفهم لأجل أن نعيش معهم ولا نقدر على مجابهة الناس فهم يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم. Et ça c'est très très grave. بعض الناس صحيح ils disent quand tu les conseilles خاصة avec علم مثلا en prenant comme support هذه الرسالة نافعة كشف الشبهات في الحقيقة إما un معاند quelqu'un qui a de l'orgueil et qui ne veut pas le haq il rejettera ou il va ou là, ils ne peuvent pas rejeter ces arguments. L'imaz al-Yannas s'est appuyé sur le Coran ou le Sunnah. Fa-ba'adhum, ils disent, ils prétendent annahum c'est le haq. Lakin, qu'est-ce qu'on va faire, Yaqul? Notre pays, ils font ça, nos familles font ça, nos ancêtres, ils faisaient ça, ils continuent de faire hadash shirk. Est-ce que c'est une excuse? C'est pas une excuse, hada. Khasatan à notre époque, Anna, si tu ne fais pas leur shirk, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tu ne risques pas ta vie? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Au pire, Foulan et Foulan, ils vont plus te parler. Enfin, l'insan, il n'a pas le droit de satisfaire ha'oula et de désobéir à Allah Azza wa Jal. C'est ça le kufr. C'est ça le kufr. Ne pas vouloir délaisser l'adoration d'autre qu'Allah pour satisfaire un tel min al-makhlouq. هذا كيف montrer شيخ الإسلام قال إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون مطلن ذلك وإما أن لا ينكروا عليهم ولا يبينوا الحق بل ربما يدافعون عنهم وهذا هو واقعهم الآن صحيح إما تتتأ إما تفكم فسي تفكم مينيمم تتتأ لا تنكر عليهم بعض الناس عيادا بالله يستاز بل يفكم Ils font comme eux alors qu'ils connaissent le haq. Est-ce que cette reconnaissance du haq, ça leur suffit? Abadan. Les anna, on est obligé de délaisser le shirk. L'imala, les anna, le fait de faire du shirk, adorer les morts, mathalan, demander aux morts, ça annule le shahada qu'ils prononcent. Fallait hala, Cheikhul Islam, il insiste à la fin du livre. Anna, il faut délaisser ses choubahs, il faut délaisser le shirk, et il faut appeler, il faut montrer, et il faut patienter. Si tu ne peux pas montrer, tu crains pour ta personne, le minimum, tu ne fais pas hadash shirk. Tu ne peux pas vivre avec ha'oula. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la solution. Hajir fi sabilillah. Délaisse cet endroit où qu'ils te forcent, ou tu risques pour ta vie, ou ils te feront du mal. Enfin, délaisse l'illah. Azza wa jal. Amma, rester avec ha'oula et faire comme eux, alors que l'insan ne craint pas pour sa personne, enfin, ce n'est pas une excuse. Il va montrer un cas d'excuse, al-ikra. Celui qui est forcé. Et qui n'a pas le choix, il ne peut pas quitter Aoula et il le force. هذا سيأتي معنا إن شاء الله. قال ويقولون لمن دعاهم إلى الحق هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خامس وهم يعتقدون أن ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنة يعرفون هذا وإنما حلم لهم الحسد والكبر والطمع في أمور الدنيا لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه سيخسرون رئاستهم سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس. Et صحيح. Et ça, الحقيقه c'est la position de tous les faibles. Annahum, quand ils peuvent pas répondre à l'hujja, si tu leur montres matalan an ces ambiguïtés qu'ils ont fi tawhid, c'est batil en utilisant les arguments que l'auteur rahimahullah il a cité هنا, فكثير من هؤلاء t'accuseront de khariji ou de wahhabi ou à notre époque de da'ishi. Ou de, tu fais partie de l'Qaïda, ou tu es un irhabi, ou tu as emmené un din jadid, ou tu as inventé un nouveau madhab. Alors que كثير منهم, ils savent très bien, خاصةً si celui qui leur a montré, il a montré bi'ilm, فكثير منهم, ils savent très bien que c'est le haq. Lakin, comme a dit, les causes, al-hasad, wal-kibr, wal-tam'a. Ça, c'est trois causes, iyadan billah, qui poussent l'insan à ne pas accepter la vérité. Al-hasad, taqaddam ma'ana. L'exemple des juifs, ils n'ont pas accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un arabe. Al-kibr taqaddam ma'ana avec Iblis, l'orgueil, ça l'a empêché de se prosterner. Ta'atan lillah. At-tam' fi umur ad-dunya. Et certains, ils ont peur de s'ils suivent le haqq, ils perdront leur dunya, leur mulk. Taqaddam ma'ana l'exemple avec Fir'aoun. Enfin, ces trois causes, iyadan billah, ça pousse l'insan à ne pas accepter la vérité. La jalousie, l'orgueil, at-tam', et s'attacher à dunya, penser que si on suit le haqq, on perdra notre dunya. Et ça, ça arrive. Ça arrive à cause des maladies du cœur. Ils pensent que s'ils appliquent le sunnah, s'ils appliquent le tawhid, s'ils font da'wa ila tawhid illah, s'ils appliquent le sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils trouveront plus de travail, ils auront plus d'argent, ils faiblissent, ils suivent le batil. Ils n'arrivent pas à se retirer. Ça, c'est très très grave. L'insan, il fait attention. خاصةً مع أعداء الله. فلا يرحمون الموحد. أعداء الله من الكفرة. Quand ils savent que quelqu'un s'accroche à son tine, ils font tout pour le combat. Et en général, ils le combattent بالدنيا. Amma ton cœur, ولله الحمد, ils ne peuvent rien faire. Même leur choubah, tu apprends l'ilm. Et tu répondras à leur choubah. لكن يضيقون على الموحدين على أهل السنة avec الدنيا. Ils mettent des bâtons dans les roues, jiddan. Tu ne trouves pas de travail, tu as du mal à trouver un travail. L'insan, il faiblit, il commence à faire des concessions. Au début, sur l'apparence, fonde-moi certaines positions. Il a ou pour faire da'wah. Fibla al-kufr al-an. Si tu fais da'wah, tu auras beaucoup de mal à mettre en garde contre le kuffar, contre leur shirk, contre leur démocratie, laïcité. Il a akhari. Ils te combattront. Ils te combattront, ils t'accuseront, il a akhiré. Fa l'insan la bud min sabr. Et s'il ne peut pas, la bud min hijra. Il délaisse à haoula. Et yasbir. Et si c'est un pays musulmane ou yudayikoun alayh, fa yasbir. Yasbir wa al-aqibatu lil muttaqin. Al-kafir, il ne peut rien t'enlever. Al-mushrik, il ne peut rien te retirer. Tout c'est viadillah, faqat des épreuves. Qala wa s-sinfu thani. Deuxième catégorie. Man wafaqa fi al-zahir. ونطق بالتوحيد وقال هذا هو الصحيح وهذا هو الحق وصلى وصام مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا ويعتقد أن هذا خرافات وأنه تقاليد بالية فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا وإنما عمل به وتكلم به نفاقا كحالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. دوزيام كاتيغوري أي en apparence ils acceptent le tawhid لكن au fond d'eux ils ne croient pas. أي المنافقون للزبوكريت لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Et ça c'est la définition du munafiq. أنه il dit une chose, il prétend une chose en apparence et في الحقيقة au fond de lui c'est l'inverse. فمثلا il prétend être musulman et faire salat et prendre le shahada ila akhirah, لكن au fond de lui il ne croit pas. Au fond de lui il pense que c'est que des histoires, des légendes ila akhirah هذا الإسلام. قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة الشاهد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله مع أنهم ont prononcé الشهادة Et s'ils ont dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », c'est qu'ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Ça va ensemble. Falihada, ils étaient considérés en apparence des musulmans. Ma'ahada, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés munafiqoun. Ça montre que leur shahada, elle n'a pas été acceptée. Idha ja'aka al munafiqoun. C'est des munafiqoun et ils disent « Kalimat al-Islam ». Ça, ça nous montre que prononcer cette parole, ça ne suffit pas. Il faut prononcer shahada, croire et mettre en application. أي التوحيد سلواني للشرك سيسا الإيمان قال فالناس مع التوحيد ثلاثة أقسام trois catégories de personnes par rapport au التوحيد القسم الأول في الحقيقة c'est le résumé de tout ce qu'on vient de lire ensemble من يعرفه ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره أي première catégorie من يعرفه ويؤمن به أي dans son cœur il sait que c'est la vérité لكن ظاهرا ينكره اي si tu lui dis faut délaisser l'adoration des morts il dit là là nos parents ils font un tombe vous avez emmené un dîne jadid il dit là akhri ou c'est min bab shafa'a c'est pas du shirk toutes les choubouhat qu'on a vu ensemble c'est la première catégorie deuxième من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره ويكفر به باطنا وهم المنافقون deuxième catégorie c'est l'inverse de la première Et en apparence, ils acceptent le tawhid, mais qu'au fond d'eux, ils le rejettent. Munafiqun, c'est des hypocrites. قال القسم الثالث من يعتقده باطنا ويعمل به ظاهرا وباطنا. Et le troisième قسم, c'est Ahlul Iman, Al-Muwahidun. Ils acceptent هذا التوحيد dans leur cœur et كذلك avec leur langue et leurs membres. قال فالقسمان الأولان كافران خاسران les deux premières catégories c'est pas des musulmans c'est des kuffars mushrikun والقسم الثالث مؤمن مفلح ça ça nous montre أن الخسارة أو الفلاح c'est par rapport au tawhid celui qui met en application هذا التوحيد ويصبر عليه et il fait des efforts pour l'apprendre فهذا il fera partie de المفلحون في الدنيا والآخرة et ceux qui ont réussi Et celui qui rejette هذا التوحيد عيادا بالله باطنا أو ظاهرا et il n'accepte pas هذا التوحيد et il fait du shirk هذا c'est un khasir ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي celui qui fait du shirk toutes ses œuvres elles sont annulées et il fera partie des perdants عيادا بالله et يوم القيامة il trouvera rien Que des sayyat et du shirk. Thumma qal, rahimahullah, al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, walakin alayka bifahm ayatayn min kitabillah, awaluhuma ma taqaddam qawluhu, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, fa'idha tahakkaqat, ou fa'idha na'am, tahakkaqta na'am, fa'idha tahakkaqta, أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها أي هنا يمنطق أن لفت de ne pas délaisser الشرك par peur de gagner moins d'argent ou d'être accusé par son peuple ou d'être rejeté, c'est pas une excuse. Tant que ça atteint pas le niveau de l'ikra, l'insan il se fait forcer, menacer, il n'a plus le choix. Il va citer cette exception. C'est pas une excuse. Amma qawluhu anna ba'd as-sahaba alladhina ghazaw ila akhiri kafaru taqaddam ma'ana anna as-sahih anna al-aya nazalat fi المنافقين c'est un منافق celui qui s'est moqué الصحيح البعض يقول que c'est un مؤمن كفر أي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لكن الصحيح c'est que c'est un منافق c'était pas un صحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين أي en apparence il faisait croire que c'était un croyant وإلا c'était pas un croyant أما قوله فقد كفرتم بعد إيمانكم أي إيمان المنافقين Et iman est comme iman al-munafiqin. Et vous avez mécru après votre foi. Votre ona, c'est la foi des munafiqun. On a la foi que vous faisiez apparaître. Ne pas comprendre, on a l'iman, l'iman bil qalb ou l'amal ou l'lisan. Là, c'est ça le qawl sahih ou taqaddam ma'ana. Et بعض العلماء disent que c'était un mu'min. قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه قلبه مطمئن بالإيمان. Et conclut رحمه الله avec ce verset pour montrer que celui qui est excusé في هذا الباب العظيم c'est المكره. المكره il est forcé de faire ce shirk. Bien sûr, cette condition. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mutma'in, son qalb, il est thabit. Il sait très bien que c'est du shirk, mais son peuple, il le force. Si tu te prosternes pas devant cet homme, on te tue, il a akhiré, et où il n'arrive pas à patienter, et il se prosterne. Tant qu'au fond de lui, il sait très bien que c'est du shirk, et il fait cela parce qu'il est forcé, là, il est excusé. قال وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. Il a cité plusieurs excuses qui ne sont pas prises en compte. قوله الخوف هنا, il y a une différence entre le خوف والإكراه. لأن ça peut être des menaces qui ne sont pas mises en pratique. Mathalan, ils te font peur et tu sais très bien qu'ils ne vont rien faire. Et au pire, peut-être qu'ils peuvent te dire de partir. Oh, fahada, ça n'atteint pas le niveau de l'ikra. L'ikra, c'est autre chose, c'est plus fort que la peur. Et tu risques de perdre ta vie. Fahada al-hal, tant que le musulman au fond de lui croit, même s'il fait du kufra ou du shirk, il est excusé. Amma mujarrad khawf, une simple peur, ça ne suffit pas. Voilà. Qala. أو مدارة أو إلى آخره سيأتي معنا من كلام شيخ الفوزان حفظه الله على كل حال ces excuses ça suffit pas. كذلك المزاح أي c'est pour plaisanter. بعضهم يقول لا c'est pas une excuse. لا تعتذروا قال الله عز وجل قد كفرتم, vous avez mécru. Pourtant il s'était moqué en plaisantant. Donc et هذا الحقيقة تقدم معنا. Vous vous rappelez à la fin des nawaqid, des annulatifs de l'islam, المؤلف رحمه الله il a cité هذا الكلام كذلك pour montrer à celui qui est excusé c'est المكره. قال والآية تدل على هذا من جهتين. الأولى من قوله إلا من أكره, فلم يستثني الله إلا المكره, ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام, وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. Et ça c'est important, لهذا c'est un شرط. Même si le mu'min il se retrouve dans cette situation أنه il est forcé par des kuffars à faire du kufr, ils ne peuvent pas te forcer ton cœur à mécroire, à faire du shirk. Abadan. Il n'y en a personne qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ils peuvent te forcer à dire une parole ou à faire un acte. Enfin, si tu es forcé et tu ne patientes pas et tu dis cette parole ou tu fais cet acte, maintenant de se prosterner pour autre qu'Allah, et ton cœur il est mali bit tawhid et patient et il est thabit, enfin, inshallah, tu es excusé. قال والثانية قوله ذلك بأن قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة, فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة للكفر, وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. C'est pas une excuse هذا. Si c'est par peur de manquer d'argent ou espérer gagner de l'argent et iyadam billah ne pas délaisser shirk, ce n'est pas une excuse. Bel kathir min al-kuffar se sont égarés min hadha al-bab à cause de dunya. Kama akhbar Allah azza wa jal. Istahabbu al-hayat ad-dunya 'ala al-akhirah. Ils ont fait passer ce bas monde avant l'au-delà et ils se sont égarés. Qala wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Sheikh al-Fawzan, na'am. إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما يحصل به الإيمان الصحيح, فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال, ومن ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام لكنه يمزح به فإنه يكفر ولو كان ليس جادا في كلامه. Et tout ça, le haqiqa taqaddam ma'ana, on le répète, fi nawaqid al-islam, quand on les a étudiés ensemble, fi al-wajibat. Aïe, anna l'insan, ayyadam billah, il peut annuler son tawhid avec une parole. Mathalan, ceux qui se sont moqués du prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, ça, c'est de la grande mécréance, ça annule l'islam. Même si c'est pas. Même s'il n'est pas sérieux, même si c'est en plaisantant, même si c'est pour faire rire, il sort de l'islam. L'yana, c'est du kufr, c'est pas une excuse, la plaisanterie, fi hadal bab. Abadan. L'yana, le mu'min, il peut pas se moquer du din. Le mu'min, il plaisante pas avec din. Abadan. Même si son iman, il est très très faible, il a toujours du respect, de l'amour pour din. Ça, ça montre que c'est de la grande mécréance, se moquer de la religion. قال في الدين ليس فيه مزح والدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لغزو الروم لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وشدة القيد والصيف ووقت طيب الثمار والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك صحيح على بعيدة cette distance entre Medina et Tabouk. Et ma'ahada, ils se sont dirigés en direction de Tabouk pour combattre ha'oula. Wa inna nasan min alladhina kharajou ma'al rasouli sallallahu alayhi wa sallam jalassou fi majlis yamzahoun. Qal wahid minhum ma ra'ayna mitl qurra'ina ha'oula arghab butounan wala akdhab alsina wala ajban inda liqa ya'nouna rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashab. Ayyadam billah. Et ce hadith taqaddam ma'ana kadhalik fi kitab al-tawhid. أن الصحيح أن هؤلاء استدي منافقون وكان في المجلس غلام من الأنصار عوف بن مالك رضي الله عنه فيما أذكر في الحديث فأنكر عليهم وقال كذب ولكن منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب هذا الفتى ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فجاء هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون يا رسول الله ما قصدنا إلا المزح أي Ils se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam. Et un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, il les a entendus et il a rapporté cela au prophète alayhi salatu wassalam. هذا المنافق, cet hypocrite, quand il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wasallam, قال ما أردنا إلا المزح. ما قصدنا إلا المزح. Et notre but, c'était pas d'être sérieux et on croyait pas ce qu'on disait. C'était que pour passer le temps, plaisanter ila akhir. قال حديث الركب نقطع به عنا الطريق أي استبوح باسي لو تان ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية ولا يلتفت إليهم وجاء في الحديث أن الصحابي رضي الله عنه quand il est arrivé عند الرسول صلى الله عليه وسلم le verset il était déjà descendu قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى آخره قال إذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وقد كانوا مسلمين من قبل بسبب كلمة قالوها على وجه المزع واللعب فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب المزح تقدم معنا أن الصحيح سكستي بادي مسلمين أصلا لفزع بغيتخ الإسلام على خلافين أهل العلم ثانيا si هؤلاء ils étaient pas sérieux et ils plaisantaient مع هذا كفروا فما بالك celui qui est sérieux عيدا بالله et qui s'entête et يطعن في دين الله عز وجل قال وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته وهذا شر من المازح لأنه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة نعم celui qui veut pas délaisser le shirk عيادا بالله لماذا لأن il a peur de perdre une place ou de l'argent ou un commerce إلى آخره هذا c'est pas une excuse بل كما قال الشيخ الفوزان هذا il a vendu son din pour quelque chose d'éphémère comme ils vont lui donner Combien ils vont lui donner dans ce travail? Combien? Enfin, ils peuvent lui donner ce qu'ils veulent. Le haqiqa, ça ne vaut rien par rapport au din. Enfin, faire attention à dunya. Ça nous montre à dunya, ça peut être une cause de perdre son din complètement. On fait attention. Khassatan, à dunya, inda al-kuffar. C'est achid. Mais inda al-muslimin, même si tu trouves qaswat quloub, de la dureté dans les cœurs, tu trouves de l'insouciance, tu trouves beaucoup de péchés, ça reste des muslimines, fa alhamdulillah, tu trouveras un peu de khair. Amma inda al-kuffar, ad-dunya, mélangé avec fréquenter les kuffars, c'est très très dangereux pour ad-din. Qala fa al-hasil, أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من خمس حالات. أي celui qui prononce une parole de كفر, il y a cinq cas. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفره. Premier cas, أنه il dit cette parole, مثلاً, si on prend l'exemple de se moquer, عياذا بالله, de la religion, et au fond de lui, il croit vraiment هذا. فلا شك هذا c'est un كفر. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم فهذا كافر بنص الآية ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. Deuxième cas, أن au fond de lui ne croit pas à ce qu'il dit ou ce qu'il fait من كفر لكن قال لكن فعله من أجل الدنيا. Il n'est pas forcé, il peut très bien le laisser, لكن il a peur. Il a peur pour son avenir, il a peur que hadi dunya, il a un manque. Hada kadhalik, il sort de l'islam. Limadha lianna, il a prononcé du kufr. Dans un cas, tu es excusé, c'est celui qui est forcé. Wa illa fahada, pourquoi il prononce le kufr? Pour ad-dunya. Kam min al-mu'minin, wallahi alhamd, il ne prononce pas le kufr. Et ils mangent, ils ont de l'argent, il a akhri, wallahi alhamd. Hada, ça montre à son cœur, il est mort. Limadha lianna, il s'est trop accroché à ad-dunya. Il a prononcé du kufr, il a perdu son din. قال الحالة الثالثة من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. هذا كذلك لأنه c'est pas une excuse. Il fait du kufr pour pas froisser ses parents, pour pas que sa tribu, que sa ville, que son quartier y parle sur lui. هذا يدم بالله كذلك يبرسنتين لماذا لأن يفي passer les gens avant الله سبحانه وتعالى. قال الحالة الرابعة أن يفعل ذلك مازحا ولاعبا كما حصل من النفر المذكورين وهذا يكون كافرا بنص الآية الكريمة. أي أنه يprononce cette parole de كفر لكن en plaisantant. هذا كذلك يصار de l'islam. Cinquième cas, الحالة الخامسة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك دفعا للإكراه. Cinquième cas, أن يprononce cette parole لكن il est forcé et il n'a pas le choix et il risque sa vie ou il risque de se faire torturer il a akhiré et il patiente pas et il prononce pour repousser le mal de Haoula et au fond de lui, walillahi alhamd, c'est un croyant, il déteste ce qu'il va dire. Lakin il n'a pas le choix, fahada, inshaAllah, il est excusé. قال وأما الأحوال الأربع الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات. Et تقدم معنا من كلام المؤلف رحمه الله. وفي هذا رد على من يقول إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر وفعل أفعال الكفار حتى يعلم ما في قلبه. هذا سيبا صحيح. أي أننا on peut pas dire أن فلان سكفر tant qu'on sait pas ce qu'il y a dans son cœur. لا لأن se moquer أو insulter الله عز وجل ça montre أن le cœur il y a plus d'iman. فلهذا العلماء يحكمون على هؤلاء بالكفر. قال وهذا قول باطل مخالف للنصوص وهو قول المرجئة الضلال. وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراه الذي يعذر به والذي لا يعذر به حيث قال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. Ça, ça nous montre أن الإكراه ça peut être que avec les paroles ou avec un acte. أما quelqu'un te force de ne pas croire avec ton cœur, c'est pas possible. لماذا لأن il sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ou il connaît que deux choses. Ce que tu dis et ce que tu fais. Amma ce qu'il y a dans le cœur, فلا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. Et هذا الكلام, on répète, ça ne veut pas dire que celui qui fait du kufr, s'il n'est pas mukra, c'est forcément un kafir. Là, il y a des shurut, des mawani' qu'on a déjà cités par rapport au mu'ayyan. Et on répète, مثل هذه المسائل, ça revient à أهل العلم. Ce n'est pas tout le monde qui parle via هذا الباب, qui rend kafir les autres, إلى آخره. خاصةً si cet homme ou cette femme il se prétend musulman et il dit shahada, ils font salat, enfin, c'est pas n'importe qui les fait sortir de l'islam. Donc la règle qui est connue عند اهل السنه, c'est pas tous ceux qui font du kufr, c'est des kuffar. Là, il y a des shurut des conditions, il y a des mawani', il y a des choses qui empêchent de dire anna fulan c'est un kafir. On a cité l'exemple de l'ignorance dans certains cas. Hadi al-masala, on la répète, elle est très très importante et c'est un sujet très délicat. Il y a plusieurs conditions, les savants ils ont beaucoup de paroles via al-hal. Al-insan la yasta'jil, se précipite pas après avoir étudié ce genre de livre, anna où il voit wahed faire quelque chose et il dit que c'est un kafir. Limada li anna où il a étudié, le seul qui est excusé c'est le mukrah. Là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des autres paroles à prendre en compte, il y a des autres preuves à prendre en compte qu'on a citées quand on a parlé brèvement sur l'ignorance, l'excuse par l'ignorance. Et s'il est vraiment ignorant, il n'a pas la capacité d'apprendre et il fait du shirk là qu'une personne lui a montré, bien sûr avec certaines conditions, il a akhiré qu'on a déjà cité. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, hadha al-bab al-azim, bab al-murtad wa nawaqid al-islam ila akhirih, c'est un bab très très important. Et l'insan il fait des efforts fil ilm la yaf'al kama yaf'al al-ba'd, انه il prend une parole de un cheikh et il l'applique, elle est pas à sa place, et il utilise cette parole du cheikh comme si c'était un verset du Coran al-Karim ou un hadith. La yajouz hada kalam al-ulama, c'est pas la révélation. Là kalam al-alim, on cède avec cette parole pour comprendre le nusus. Naam. Et si un savant il se trompe, on délaisse sa parole. Et kadhalik, pour comprendre ce masail, il faut étudier le sujet min jami' jawanib. Pas le prendre qu'un délil et iyadan billah s'égarer avec le khawarij, ou prendre qu'un verset du Coran al-Karim et s'égarer avec le murji'a. Entre les deux, nahnu, on nie pas le takfir mutlaqan. Et كذلك on fait attention de ne pas tomber iyadan billah fi fitnat at-takfiriyin, ana celui qui fait une kabira c'est forcément un kafir, ou celui qui fait du kufr c'est forcément un kafir. Là c'est pas comme ça, et on a déjà détaillé ce sujet كثيرا معكم. فبهذا انتهينا من هذه الرسالة. قال الشيخ الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. C'est une رسالة نافعة avec l'étude de Kitab al-Tawhid. Et cette risala, celui qui a compris ces deux livres, Kitab al-Tawhid et Kashf al-Shubuhat, fa fi bab Tawhid al-Ibadah, wa lillahi alhamd, il aura beaucoup de connaissances. Falihada, on conseille nos frères de réviser hadhihi al-Shubah et kadhalik de lire des explications d'autres savants. On a lu ensemble nahnu celle de Cheikh al-Fawzan, elle est résumée, elle est tayyiba. Et il y a d'autres explications. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a expliqué. Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah kadhalik. Qablahum Cheikh Mohamed bin Ibrahim, c'est un sharh nafi', c'est un des meilleurs. Yaqouloun al-insan yaqra, et al-mutala'a c'est important. Il livre shuruh ahli al-ilm hatta il augmente ses connaissances. Et Cheikh al-Fawzan l'a pas tout cité. Cheikh al-Fawzan n'a pas tout expliqué. Tu trouveras des autres explications, des autres fawa'id dans d'autres kutub. Wa billahi tawfiq. Et à partir du prochain dars, on commencera le rajout en quelques cours, deux cours si on peut. Même si on résume, Cheikh Sulaiman, il a rajouté deux ou trois shubah. Fitay Sir al-Aziz al-Hamid. Enfin, on les citera dans le prochain cours pour que ça soit complet. Et inshallah, à la fin, on citera, vu qu'on a fini bi-idhnillah azza wa jal cette année ensemble, les doros fi tawhid, on citera une méthode pour réviser et qu'est-ce qu'il faut lire ila akhir. Inch'Allah ta'ala, naktafi bihada, et on passe à notre deuxième dors.